moment, merci pour ta parole. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Matthieu 9, verset 20. Amen. Je parle de la foi. Amen. Alléluia. Matthieu 9, verset 20. Nous allons regarder cette femme qui a exercé sa foi. Amen. Dire que tu crois est différent d'exercer sa foi. C'est facile de dire, oh oui, je crois. Mais faites-nous preuve, montre-nous que tu crois. Alléluia. Et vous allez voir la différence entre croire et avoir la foi. Amen. C'est plus important d'avoir la foi parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Donc, il ne suffit pas de croire seulement, mais montrer autre chose qui s'appelle la foi. All right? On a vu pendant le premier culte différents niveaux ou types de foi qui existent. N'est-ce pas? Quels sont les types? Si vous dormez, je vais vous appeler. Quels sont les différents types de foi? Peu de foi. Grande foi. Foi faible. Lindieuse, give me one type of faith. Une foi qui grandit. Une grande foi. Give me another type of faith. Foi sincère. Foi sincère. Foi naufragée. Foi progressive. Ok. Qui grandit? What else? Foi riche en foi. Tu peux être riche en foi. Une foi morte. Ok. Donc il y a différents niveaux, différents types de foi que vous pouvez exercer. Donc, ça veut dire que la foi se développe. Si tu as un peu de foi aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas rester un homme de peu de foi. Alléluia. Ok, donc nous allons regarder l'exemple de cette femme qui est très connue dans la Bible, bien qu'on ne connaisse même pas son nom. L'acte de croire est exercer sa foi a permis à ce qu'elle soit enregistrée, notée dans la Bible pour l'éternité. Alléluia. Amen. It's Matthew, not Mark. Ok. Parfois, la technologie. Matthieu 9, verset 20. Nous allons lire ensemble. Certains d'entre vous ne connaissent pas l'histoire. Ok? J'ai arrêté de to presume and to assume. Maintenant, personne ne connaît l'histoire. Because on peut penser que les gens connaissent et la réalité c'est qu'ils ne connaissent pas. Et au lieu de dire qu'ils ne connaissent pas, ils vont faire semblant de connaître l'histoire. N'est-ce pas? Start reading from verse 20. Are we ready? Okay, let's go. Et voici une femme atteinte lisez pour comprendre, okay? Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Continue. Elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Verset 22, please. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Quand vous lisez le verset 20 au verset 22, vous allez penser que c'était un simple acte. Mais si vous lisez les versets précédents, vous allez voir que cette femme souffrait de cette maladie depuis longtemps. Très longtemps. C'était une condition pour laquelle elle cherchait une solution. La Bible dit qu'elle a fréquenté beaucoup de médecins et elle a dépensé tout son argent. Donc elle cherchait une solution. Mais la Bible dit que quand elle a entendu parler de cet homme nommé Jésus, elle cherchait encore une solution. Elle souffrait pendant 12 ans. Si vous souffrez pendant 12 ans, je crois que vous serez fatigué de votre condition. Elle cherchait une solution. Elle a dépensé l'argent qu'elle avait. On ne sait pas si c'était une femme riche ou une pauvre. Mais la Bible dit qu'elle a vu beaucoup de médecins et elle a dépensé tout son argent. Alléluia. Verset 21. Elle disait en elle-même, « Si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guérie. » C'est bien d'avoir une pensée. C'est bien de se dire et de se parler. Mais si elle était restée assise, en train de se dire, « Oh, si je pouvais seulement, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. » Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déplacée. Elle a quitté de chez elle avec sa condition. Elle est sortie et elle a vu la foule. Elle aurait pu se dire, « Oh, il y a trop de monde. » Si une femme saigne pendant 12 ans, soyez assurés qu'il y aura une certaine odeur. Yeah. Pas agréable, pas un parfum de bonne odeur, mais une odeur désagréable. Elle aurait pu dire, ah, les gens vont me critiquer si j'approche. Elle aurait pu dire, mais si les gens ne vont pas me permettre de toucher, il est trop loin, il n'est pas accessible. Et elle serait restée avec son problème. Elle cherchait une solution. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte sa maison. La Bible dit qu'elle va, elle presse. Your song said something, where is she? Faufila. Elle se faufila. Faufila veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin n'était pas clair ou ouvert comme ça. Elle a dû passer par grimper, détourner, faire un effort. Plusieurs fois, nous cherchons des solutions pour nos problèmes, mais nous ne sommes pas prêts à faire l'effort. On veut que la solution tombe des cieux dans nos bras. Oh Seigneur, je veux. Oh Seigneur, j'ai besoin. Et voilà la fin de notre désir et notre besoin. C'est la fin de notre tentative, si vous voulez, notre recherche, notre désir pour trouver une solution. Dieu, les dit pasteur, j'ai prié. C'est bon de prier. C'est bien de prier. Mais avec la prière, il vous faut la foi. Et la foi agit. La foi agit. Tu ne peux pas rester dans ton lit en train de prier, même si tu pries 3 heures, 7 heures, 24 heures, sans agir, sans faire un pas. Alléluia. Elle cherchait une solution, donc elle est sortie de chez elle. Elle a mis de côté tous les critiques qu'il pouvait avoir. Elle a mis de côté tous les les empêchements. C'est une grande foule. Il est loin. Comment est-ce que je peux l'atteindre? En faisant un pas à la fois. Tu vas y arriver. Donc, elle avance, elle avance, elle avance. Elle ne sait pas comment est-ce que je peux parler avec cet homme. Je ne peux pas. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Combien de personnes ici croient que le bord du vêtement de quelqu'un peut guérir? Non, la personne doit me voir, la personne doit me parler, la personne doit imposer les mains, la personne doit me donner quelque chose, un peu d'huile. Au moins verser l'huile sur moi. Au moins, minimum, imposition de mains. Une chose qui me frappe à chaque fois quand on part pour les croisades, c'est que l'évêque n'impose pas les mains sur les gens. Il est sur le strade et il dit, si tu es malade, mets la main où tu es malade. C'est tout. Et il prie. Après, il dit, si tu es guéri, viens devant. Mais entre la prière et la guérison, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'imposition de main. Il n'y a pas d'imposition de main. Mais les gens montent toujours l'estrade pour dire, je suis venu, on m'a porté pour venir, maintenant me voici, je peux marcher. Je ne voyais pas, maintenant je vois. J'étais sourd, maintenant j'entends. Qu'est-ce qui s'est passé entre la prière et la guérison? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a exercé la foi. Tout ce que je veux vous dire, c'est que ne faites pas confiance en une personne, mais faites confiance en Dieu. Mais quand vous dites que vous avez confiance, exercez votre foi, agissez votre foi. Agissez votre foi. Exercez. No, you must act. You must do something. Faut faire quelque chose. Amen. Hallelujah. Agir, c'est selon votre foi. Amen. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Il y a une autre version qui dit, Jésus a demandé, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et puis les disciples disaient, mais quand tu vois la foule autour de toi, comment tu peux demander qui m'a touché? Et tu peux demander, tout le monde t'a touché. Tout le monde l'a touché. Parce que quand il y a une foule, et il y a beaucoup de personnes autour de toi, c'est sûr que beaucoup de personnes vont te toucher. Tu seras bousculé, tu seras poussé. Beaucoup de personnes ont touché Jésus, mais une femme était guérie. Quelle était la différence? La foi. Amen. Beaucoup de personnes, vous êtes 300, je ne sais pas combien de personnes ici. Vous êtes nombreux, mais ce n'est pas tout le monde qui aura un toucher de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir la parole. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir le message. Dieu ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde écoute ma voix. Tout le monde entend les mots qui sortent de ma bouche. Mais ce n'est pas tout le monde qui va recevoir un message. Dieu ne va pas parler à tout le monde. Il y a une différence. Quand il y a une foule, quand il y a beaucoup de personnes, il y a toujours des différences entre ces personnes. Comme on a vu dans le sketch, Dieu ne regarde pas les apparences. Nous, on peut dire, ah non, celle-là, elle prie beaucoup. Celle-là, elle est très spirituelle. Regarde comment elle prie. Combien de personnes se mettent à genoux pour prier? Donc, c'est possible de venir à l'église, de nous tromper tous. Mais tu ne trompes pas Dieu. Alléluia. Sa foi, la foi de cette femme a fait la différence entre elle et tout le reste. Il y a eu des empêchements. Il y a eu beaucoup de raisons pour lesquelles elle ne devait pas enfoncer. La foule, les gens vont parler, les disciples ne vont pas facilement laisser les gens toucher Jésus. Donc, beaucoup d'empêchements. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous distraire. Ce matin, de recevoir la parole, le sommeil, j'ai vu beaucoup de personnes bâiller, fermer les yeux, intercéder. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui... La fatigue. Qu'est-ce que vous avez fait hier pour être si fatigué aujourd'hui? C'est un empêchement, quelque chose qui vous empêche de recevoir ce que Dieu a pour vous. Amen. Toute la foule aurait pu être guérie. Est-ce que vous savez ça? Tout le monde dans la foule qui avait une maladie pouvait être guéri ce jour-là. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne respecte personne. Les bénédictions de Dieu sont pour tout le monde. Alléluia. Mais à chaque fois, c'est seulement certaines personnes qui sont guéries. Pourquoi? Parce que Dieu aime les uns, il n'aime pas les autres. Parce que Dieu a ses préférences. Il aime les fans, il n'aime pas les pounous. Ou il aime les miennés, il n'aime pas les échiras. Non! Dieu aime tout le monde. Amen. Dieu aime tout le monde. Selon ta foi, Irène, Athéna, Irène. Selon ta foi, il va agir. Amen. Cette femme a reçu sa guérison parce qu'elle a exercé sa foi. Elle a touché et elle a reçu. Amen. Regardons encore l'exemple de Pierre. Ok, d'abord, Matthieu 9, 27. Let's look at the two blind men first. Matthieu 9, 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi de... Fut suivi par deux aveugles qui criait, « Aie pitié de moi, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Selon votre foi. Ces aveugles ont entendu parler de Jésus. Et ils ont décidé de tout faire pour y arriver. Combien savent que les aveugles sont limités? Ils sont limités. Comment est-ce qu'ils pourront arriver vers Jésus s'ils ne voient pas? Donc aujourd'hui, peut-être tu as une demande à faire à Dieu. Mais tu es empêché, tu as des empêchements. Les empêchements ne doivent pas vous limiter, vous empêcher d'atteindre Dieu. Vous devez vous lever et press on. Vous devez pousser pour aller de l'avant. Amen. Vous devez tout faire pour atteindre Jésus. On a dit, pasteur, comment est-ce que je peux atteindre Jésus? Tu peux l'atteindre. Tu peux l'atteindre parce qu'il est présent. Amen. Encore dans les croisades. Les gens viennent de partout pour assister. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de Bishop. Mais quand ils parlent de Jésus-Christ et les miracles de Jésus-Christ, ils reçoivent une certaine mesure de foi. Souvent quand on part dans les pays musulmans, nous sommes partis en Guinée, au Mali, where did we go again? Au Sénégal. Les musulmans venaient sur l'estrade pour témoigner comment ils étaient guéris. Donc, Jésus-Christ n'est pas limité à un groupe de personnes. Il est là pour nous tous. Et la foi, c'est ce qui nous sépare d'entre lui et notre guérison, notre délivrance. C'est seulement la foi. Donc, il faut tout faire pour avoir la foi. Il faut tout faire pour augmenter votre foi. Nous avons tous reçu une mesure selon la Bible. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec la mesure que tu as reçue? Alléluia. Amen. L'histoire de Pierre qui voulait marcher sur l'eau. Do you remember that story? Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il s'est dit, je veux venir. Je crois que je veux aussi marcher sur l'eau. Lui n'était pas malade. C'était juste une envie qu'il a eue. Une envie d'aller où Jésus était. Être proche de Jésus. Donc il crie vers Jésus, dit, je veux venir. Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est pas réservé aux grandes personnes, ou tout le monde peut faire. Tu veux venir, viens. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à marcher sur l'eau. He walked on the water. Il a marché. Tu peux marcher sur l'eau. Why not? Qui a dit ta foi est morte? Toi, tu peux marcher sur l'eau. Mais Jésus a dit, viens. Il n'a pas demandé, Pierre, est-ce que tu as confessé tes péchés? Pierre, est-ce que tu as prié ce matin? Combien d'heures? Il a simplement dit, viens. Si tu veux quelque chose de Dieu, et tu le veux vraiment, il est prêt à te le donner. Amen. Il est prêt à te le donner. Si quelque chose nous empêche, c'est nous-mêmes. Amen. La foi n'est pas compliquée. C'est nous qui compliquons la foi. Alléluia. C'est aussi simple que demander et de se lever pour marcher. Voilà pourquoi Dieu a dit, Jésus a dit, si quelqu'un a la foi, il peut dire à la montagne, déplace-toi. Il va se déplacer. Nous tous, nous sommes capables. Nous tous. Oui, mais la foi, alléluia, nous sommes tous à un niveau de peu de foi. Et quand tu as peu de foi, tu ne peux pas déplacer une chaise. Encore, à moins, how do you say, how much more? Hein? À plus forte raison, combien plus forte raison? À plus forte raison, la montagne. C'est un niveau. Si je dis, sac, bouge. Sac, bouge. J'ai peu de foi. Même quand je le dis là, je suis en train de rire. I'm laughing. Do you understand? But Jesus said, Jésus a dit, si j'ai la foi, je peux dire à la montagne. Montagne n'est pas une chose mouvable. C'est pas une chose qui bouge. Sauf au Gabon, il y a les montagnes qui bougent. C'est un Gabonais qui m'a dit oh. C'est un autre niveau. Bouge tout seul. Alléluia. La foi. Si vous exercez la foi, petit à petit, ça va grandir. Ça va augmenter. Amen. Romains, let me just carry on. Romains, what was it? 10, 17. What does it say? Ainsi la foi vient. Oh, are we together? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Encore, Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient... Romains 10, 17. Et ce qu'on entend, Romains 10, 17. Dites, Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient... Daniel, put it off. Romains 10, 17. Who wants to try? Vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Qui veut essayer? Derrière. Romains 10, 17. Ainsi la parole vient de ce qu'on entend. Why are you like that? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Who else? Romains 10, 17. Oui, Lara. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. C'est un verset que vous devez connaître. Amen. Parce que quand vous entendez quelque chose, ça affecte votre foi. Alléluia. Vous augmentez votre foi selon ce que vous entendez. Selon ce que vous permettez d'entrer dans votre esprit. Si vous entendez toujours les gens dire, « Oh, Jeff, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Tu vas le faire. » Non, je te vois en train de gérer une grande société. Jeff, je crois que tu seras un bon leader. Je crois que tu seras un bon pasteur. Ta foi va augmenter. Et tu vas commencer par croire et accepter ce que tu as entendu. De la même manière, si on dit, ah, toi là, pasteur. Si toi tu deviens pasteur, alors là, l'église, je serai bishop. Si toi tu es pasteur, moi je serai pape. À force d'entendre des choses négatives, beaucoup d'entre vous, vous êtes comme vous êtes à cause de ce que les parents ont dit sur vous. Regarde sa tête comme son père. Regarde ses oreilles. Regarde ses Tu es comme ton père. Tu ne vaux rien. Tu es nul, idiot. Yeah. À force d'entendre, regarde, vilaine petite fille. Vilaine, vilaine comme tu es. Tu as grandi avec ça. Et tu crois ce que tu as entendu. Amen. Donc aujourd'hui, quand on te dit, oh mais tu es très belle, oh, je suis pas belle. Oh. Pourquoi? Parce que tu as entendu plusieurs fois combien et comment tu es vilain. Comment et combien tu ne vaux rien. Comment et combien tu es comme ton père. Donc à force d'entendre ces choses, tu as cru et tu as accepté. Quand la parole de Dieu vient et dit, tu es une créature si merveilleuse. Ah, c'est pour certaines personnes, pas pour moi. Quand la parole dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Si seulement c'était le cas. Tu effaces la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ta foi a augmenté dans un sens négatif. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Quand c'est le pasteur. Quand Yann Mako priait, il a dit, il y a un verset qui dit, même Jésus a demandé qu'on prenne garde à ce qu'on entend. Faites attention à ce que vous permettez d'entrer dans vos oreilles. Le genre de conversation que vous gardez va affecter ta foi. Si tu es environné, entouré par des gens qui ne croient pas, qui parlent toujours négativement sur ta foi, ton église, le fait que tu pries, tu vas commencer à accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que tu fais. Rien. Tu quittes l'église, tu es encouragé, tu veux prier, tu veux faire ton baptême, et puis tu rencontres tes amis. Ils disent, donc, samedi, on va partir à la plage. Tu viens, ah, non, tu es un pasteur, on a oublié. Pasteur. Toi, tu pries le samedi, n'est-ce pas? Tu as un culte chez toi, non? Tu as une église chez toi, tu prends l'offrande chez toi. Donc, tu as commencé à prendre les offrandes aussi. Donc, tu es comme... Avec tout ce que tu vas entendre, tu seras découragé. Tu vas penser, oh, il fait chaud, ils vont à la plage. Oh, le samedi que je peux m'amuser, maintenant ils disent, Bassel. Oh, à force d'entendre ces paroles, les moqueries, les rigolades, tu vas finir par croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Prenez garde à ce que vous entendez. Faites attention aux gens qui vous entourent, ceux qui parlent autour de vous. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi aussi vient de ce que vous voyez. Si vous voyez les gens à la plage en train de s'amuser, s'enjoyer, et toi tu es dans une chambre, il fait chaud, tu attends 5 personnes, une seule personne vient, samedi après samedi, et tu vois les gens partir à la plage en train de s'amuser, tu te diras que non, ils sont en train de s'amuser plus que moi. Enjoyment là-bas est plus que enjoyment ici. Tu les vois. Aujourd'hui, c'est un sac noir. Demain, c'est un sac jaune. Après, demain, c'est un sac rouge. Tu dis, ah, ça, c'est la belle vie. Moi, depuis que je suis en Christ, je n'ai qu'un seul sac. Mon sac noir. Je ne peux même pas me permettre d'acheter un sac jaune. Depuis que je suis en Christ. Il y a des gens qui pensent comme ça. Tu sais, quand j'étais dans le monde, je voyageais, je partais à Paris, je faisais un aller-retour Paris-Londres. Et le même jour, j'avais un copain qui m'amenait, et puis il payait tous les frais, j'ai fréquenté tous les hôtels. Et quand je suis venue en Christ, je prie, j'ai mon bassin, je vais à l'église. Tout d'un coup, la voix change. La personne est triste. Tu vois que devenir chrétien, c'était comme si quelque chose de terrible lui est arrivé. La personne est affectée par le fait d'être... La personne manque beaucoup de choses. Yeah. Parce que ce que tu as vu, tu ne vois plus. Yeah. Dieu te punit. Forgive. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, on entend, vient de la parole. Faites attention aux amis, les personnes avec qui vous marchez, leurs conversations, les sujets de conversation. Ils parlent de quoi? Les garçons disent, oh, j'ai eu un Galaxy Note. Ah, j'ai eu un iPad. What? 4. iPhone 6. PlayStation. Et c'est comme si les gens dans le monde sont en train de avoir une belle vie. Et vous, là, vous êtes avec votre petit Nokia 3310 en train d'attendre un miracle de Dieu. Quand est-ce que Dieu va envoyer son miracle? Et vous vous découragez. Vous découragez. Tout le monde a un iPad maintenant. Tout le monde est sur podcast. Me voici. Hein, si c'était avant. Et vous commencez à regretter le fait d'être en Christ. No intercession when I'm praying. No intercession when I'm preaching. Amen. Hallelujah. You're lucky I don't know your name. I'll know your name very soon. What's his name? He's a cousin of Gaston. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Yeah. Tu dois augmenter ta foi. Tu vas y arriver. Amen. Tu seras un bon pasteur. Amen. Tu seras un bon pasteur. Amen. Tu seras un bon battle leader. Amen. Tu seras un bon berger. Pas parce que tu es parfait, mais parce que la parole de Dieu dit. Amen. Marie-Joël, tu pourras prêcher un jour. Amen. Yeah. You can be a good pastor. La foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre, petit à petit, la foi va augmenter. Et tu vas développer. Écoute, choisissez bien les films que vous suivez. Choisissez très bien les films que vous voyez. Les films que vous choisissez. Que vous suivez. Amen. Si vous suivez seulement les films romantiques. Où le garçon trouve la fille sur la plage. Il tombe amoureux. Et tout va bien, ils vivent heureux et ils ont beaucoup d'enfants. Tu vas penser que la vie est comme ça. Et avec une première secousse, tu vas te dire non, c'est pas la bonne personne pour moi. Mais tu as oublié que ce que tu as vu, c'était dans un film. C'est pas vrai. Où tu as lu des romans. Et dans les romans, l'homme finit toujours par épouser la femme. Au coucher du soleil. Toujours. Et à force de suivre ce genre de film, ce genre de roman, tu penses que la vie est aussi simple. Et aussi belle. Quand vous voyez les films de James Bond, tu vois que l'homme, il est toujours macho, il fait ce qu'il veut, il bat tout le monde et il est ok. Tu penses que tu peux prendre cette attitude avec toi, tu amènes ça dans l'église. Tu ne peux pas être James Bond dans l'église. Une attitude de James Bond. La Bible dit que si tu veux être grand, tu dois t'abaisser et devenir petit. Amen. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends va affecter qui tu es. Les personnes avec qui vous marchez vont affecter votre vie d'une manière ou d'une autre. Vos amis, votre meilleur ami ne croit pas en Dieu. Ça va t'affecter. Vos copines ne prient pas. Elles sont, toute leur vie, c'est la mode, les sorties, les booms. Les booms et les boomerangs. Ça, c'est leur vie. Tu ne pourras pas marcher longtemps avec Christ si tu continues à marcher avec ces personnes. Amen. Parce qu'ils vont parler ou elles vont parler dans ta vie. Tu vas entendre des mots. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, quand vous êtes ici, on dirait que vous réussissez votre vie chrétienne. Mais dès que vous rentrez, vous retournez et vous fréquentez les mêmes milieux. où vous étiez avant de venir en Christ. C'est un piège. Beaucoup de personnes, quand ils reviennent des vacances, je vois un changement. Je vois tout de suite le changement. Certains sont ouverts et ils parlent, ils disent la vérité. Mais beaucoup, ils confessent carrément. Mais beaucoup ne disent rien. Mais à force de fréquenter un certain milieu, on commence à croire et accepter. Prenez garde de ce que vous entendez. Amen. Prenez garde. Alléluia. Il dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce qu'une fois qu'une certaine parole entre dans ton cœur, ça serait difficile de le sortir. Yeah. Voilà pourquoi quand tu parles, parfois tu parles, tu critiques, tu insultes et tu regrettes les mots que tu as lancés. Tu ne peux pas les reprendre. Parce que c'est déjà entré dans le cœur de quelqu'un. Tu peux t'excuser, tu peux pleurer. Oh, I'm sorry. Je ne voulais pas, c'est pas ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti de ma bouche. C'est sorti de ta bouche parce que ça vient de ton cœur. Et tu ne peux pas le reprendre. Amen. Faites attention à ce que vous entendez. Prenez garde. Prenez garde. Les messages que vous entendez. Les films que vous suivez. Il y a des gens qui sont souvent, quand ils sont déprimés, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la musique encore plus solennelle. Non. Quand vous êtes déprimé, vous mettez quelque chose qui va t'encourager. Amen. Quand vous êtes déprimé, ce n'est pas le moment de fermer les fenêtres, tirer les rideaux, dormir et couvrir ta tête. C'est un moment plutôt de t'entourer des gens positifs. Amen. Il y a des gens qui sont tellement négatifs que même quand tu entres dans une pièce avec eux, ton humeur va changer. Amen. De la même manière, il y a des gens qui sont tellement positifs. Quand tu passes un peu de temps avec eux, immédiatement tu es dans la joie. Amen. La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends de la parole de Christ. Saturez-vous avec la parole de Christ. Soyez saturés par la parole. Tu es en train de préparer, laisser une cassette jouer. Oh, mais Lady Pastor, je ne me concentre pas, il n'y a pas de problème. Il y a un mot qui va tomber. Un mot, une parole, quelque chose. Va tomber. Tu es en train de réviser. Laisse les prédications jouer au fond, pas fort, à la back. Quand vous priez, la prédication. Amen. Ou bien une musique qui est spirituelle. Pas une musique qui est juste le bruit. Amen. Amen. Une musique qui va à cette musique là que congolais. Musique. Musique. Forgive what I beg. Musique. Les Congolais. No, not you. The other Congolais. The other Congo. N'est-ce pas? Yeah. Non, c'est pas vous. C'est l'autre Congo. RDC, ok. Musique. Tipe, tipe. Hallelujah. Dieu est grand. Amen. Nous servons un grand Dieu. Aurélie, ton téléphone sonne. Amen. Nous servons un grand Dieu. Un Dieu qui agit selon sa parole. Ce qu'il dit qu'il fera, il le fait. Amen. Ayez foi en ce Dieu. Pas les gens qui sont autour de toi, qui parlent, qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Amen. Pourquoi tu mets plus de confiance dans les paroles d'un homme qui a beaucoup, il a même plus de problèmes que toi. Lui-même, il se cherche. Et tu mets tout ton espoir, ta confiance dans un homme. Il dit qu'il va t'épouser. À cause de ça, tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout. Tu arrêtes de réfléchir. Tu arrêtes de penser. Tu arrêtes de prier. Tu arrêtes tout. À cause de la parole d'un homme qui se cherche. Ça, c'est pas bon. Faites-lui confiance, mais la foi, c'est en Dieu. Amen. Et priez que ce qu'il dit est sincère, ce qu'il dit est vrai, parce que c'est un homme. Yeah. Il t'a tellement dit que tu l'aimes, la foi est augmentée. Ne dis pas ça, il m'aime. Comment tu sais qu'il m'aime? Il me l'a dit. Mais quand Dieu dit qu'il t'aime, ça tu ne crois pas. Il dit qu'il t'aime, il veut t'épouser, tu le crois. Mais Dieu dit, je t'aime et je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de bonheur. Ça tu ne crois pas. Tu as plus de confiance en un homme. Ton homme qui t'a promis de payer tes frais scolaires aujourd'hui, ça fait un an que tu as fini l'anglais. Mais tu as toujours plus confiance en lui qu'en Dieu, qui dit I will supply all your needs. Je pourvoirai tous vos besoins. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lisez la Bible. Écoutez la prédication. Écoutez des messages de foi. Suite Melodies, il y a toujours une prédication. Laisse la radio allumée. Parfois, même quand je ne suis pas dans la pièce, je laisse la radio parce que je me dis que quand Jésus a dit, il dit, les mots, les paroles que je vous dis sont esprit, esprit et vie. Donc, les paroles sont esprit. Donc, si je laisse la radio parler dans l'atmosphère, il y a un esprit qui est dans l'atmosphère. Amen. C'est ce que je crois. Donc, toujours il y a la radio dans ma cuisine. Même si je ne suis pas là, je laisse. Par exemple, là dimanche, nous sommes à l'église, la radio est allumée. C'est juste, l'esprit est en train de promener dans la maison. Une atmosphère. Esprit et vie. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Yeah. Pourquoi la foi vient de ce qu'on entend? Des paroles. Amen. Vous êtes là, peut-être vous ne comprenez même pas mon français, mais il y a un certain esprit qui vient lorsque vous entendez des mots. Yeah. Yeah. Ne suivez pas français, grammaire, prononce, vocabulaire. Ne suivez pas. Suivez l'esprit. Yeah. Suivez l'esprit. Parce que les paroles sont esprit et vie. Quand vous parlez, sachez que les mots que vous allez lancer vont affecter la personne. Ceux qui ont l'habitude de parler avant de réfléchir. Parler avant de considérer. C'est pas un bon esprit. Il faut essayer de contrôler, maîtriser ce caractère. Les colériques. Amen. Il faut que les paroles que vous donnez soient données en amour. Alléluia. La foi, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Amen. Vous avez mémorisé un verset aujourd'hui. Amen. Quand vous êtes dans une atmosphère et les gens sont en train de parler, vous dites, la foi vient de ce que j'entends. Donc, il faut que je me tire. Je me retire, je me bats. Is it? Je me bats, je me casse. Amen. Parce que la foi vient de... Si je continue à écouter ce qu'ils sont en train de dire, ma foi dans ce qu'ils vont dire va augmenter. Amen. Jeune homme, ne croyez plus à ce que tes amis disent. Croyez plutôt à ce que Dieu dit. Amen. Tu es un jeune homme, mais tu peux le servir. Amen. Tu peux vivre une vie sainte. Une vie juste. Amen. Tu peux y arriver. Tu ne vas pas mourir si tu te sépares de beaucoup de choses. Amen. Tu ne vas pas mourir. Oui, c'est vrai, tu es jeune. Oui, c'est vrai, il y a le sang qui coule. Mais tu ne vas pas mourir. Amen. La Bible dit que tu vivras, tu ne mourras point. Alléluia. Croyez à la parole. Croyez ce que Dieu dit. Amen. Jeune fille, tu ne dois pas te donner cadeau pour montrer que tu aimes quelqu'un. Non. Si tu m'aimes, tu vas me permettre. Tu sais que je veux t'épouser. Tu sais que tu es la femme de ma vie. Tu sais que c'est toi. Toi et moi, on est comme... on est comme quoi? Nuit et étoiles. Lune et étoiles. On est inséparables. Tu sais que rien ne pourra nous séparer, non. C'est pas vrai. Amen. Alléluia. Are you there? La foi. Ayez la foi en Dieu. Amen. Augmente ta foi. Déplace-toi. Quitte ce niveau de peu de foi. Et augmente. Augmente un peu. Ajoute à ta foi. Exerce ta foi. La semaine prochaine, on va regarder comment augmenter la foi. Amen. Comment augmenter la foi. Parce que c'est possible. Aujourd'hui, tu as un peu de foi. Demain, tu peux avoir une foi grandissante. Une foi qui augmente, une foi qui devient plus forte, plus grande. Amen. Mais il faut écouter la parole. Il faut accepter la parole. Laisser la parole agir afin que vous puissiez grandir. Alléluia. Amen. Levez-vous. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Alléluia. Prions. Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi. Dites merci à Dieu pour ce message de la foi, parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux être agréable à Dieu. Tu peux être agréable à Dieu par la foi. Il ne suffit pas de venir à l'église et dire que je crois en Dieu, mais exercez votre foi. Agissez, faites quelque chose pour montrer que tu as la foi. Priez. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés avec toi. Merci Seigneur pour cet enseignement sur la foi. Je confesse que j'ai manqué de foi. Je confesse que je n'avais pas la foi. Je faisais comme si, mais aujourd'hui j'ai compris que croire est différent d'avoir la foi. Je veux avoir la foi, Seigneur. Je veux que ma foi augmente. Je veux être capable de faire de grandes choses pour toi. Je veux ma guérison. Je veux ma délivrance, Seigneur, par la foi. J'ai foi en toi. Et je veux que cette foi augmente. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Tu es Dieu et tu règnes. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit dans nos vies, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous enseigne. Seigneur, merci. Merci pour une meilleure compréhension, Seigneur, de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour vous ce matin, si vous êtes là, et vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu. Vous êtes venu à l'église, peut-être quelqu'un vous a invité, Mais vous ne savez pas si vous mourrez aujourd'hui, vous irez au ciel ou en enfer. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme une fois de mourir. Et après, c'est le jugement. Aujourd'hui, tu ne veux pas être jugé. Tu ne veux pas mourir pour être jugé si vous n'êtes pas prêt à rencontrer votre Dieu. Si vous voulez qu'on prie pour vous, vous voulez accepter Jésus-Christ aujourd'hui, vous voulez inviter Jésus dans votre cœur, vous voulez naître de nouveau, je veux prier pour vous. Levez seulement la main droite et je vais prier pour vous. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu veux donner ta vie. Tu veux dire, je sais que je suis pécheur et je veux que Jésus-Christ me pardonne. Je vois la main levée derrière. Merci. Soyez bénis. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Je veux prier pour toi. Tu veux accepter Jésus. N'hésite pas, n'aie pas honte. Toi aussi, lève la main. Si tu as levé la main, s'il vous plaît, mon frère, viens vers moi. Je veux prier pour toi. Viens. Prends tout. Seigneur. Viens devant. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Oh oui. Prends tout. Merci Seigneur, entre tes mains. S'il y a quelqu'un encore, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Entre tes mains. Alléluia. Nous allons prier. Mon frère, tu vas faire de cette prière votre prière personnelle. Nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons inviter le Saint-Esprit et il va agir. Ok, fermons les yeux et prions. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de m'avoir parlé aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre et je veux te servir. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de ma vie ce que tu voudras. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. J'appartiens à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté, de m'avoir aimé tel que je suis. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, pour ton pardon, pour ton salut. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie, afin que je puisse être avec toi quand tu reviendras. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Mon frère, voyez, il y a un jeune homme ici qui aimerait vous parler. Suivez-le. Après, vous allez retrouver votre place. S'il vous plaît, asseyez-vous. Prenez place. Merci.